Le château des Trois Tours par Joseph Méry. Les histoires de revenants commencent toutes ainsi. Un soir, un voyageur, etc. Bienheureuse histoire. L'intérêt commence au premier mot et finit au dernier. On ne devrait raconter que des histoires de revenants. Un soir, un voyageur, nommé Valérien Cardellac, traversait un joli village du département du Var nommé Saint-Céry. C'était un dimanche de fête patronale. On dansait au son du tambourin, contre toutes les règles de Terpsichore. On chantait « Nous n'irons plus au bois ». On buvait les vins de Lamalgue et de Cassis, lesquels vins sont des Vésuves en bouteille. Tous les villages circonvoisins étaient accourus, sans se préoccuper de la manière dont on passerait la nuit dans un petit village qui n'a qu'un hôtel dégarni et quatre matelas pétrifiés. Valérien avait fait 10 lieues à pied, ainsi que de voyager tout artiste amoureux de paysages. Il oublia un moment sa fatigue en voyant cette fête rustique où tant de pieds aux bas jaunes sautaient si joyeusement. Mais, c'était une fête, il songea au gîte de nuit et regarda les enseignes dans la grande rue de Saint-Céry. L'hôtel des Deux Pigeons s'était déjà garni de voyageurs. L'aubergiste dormait entre deux nappes sur la table de la cuisine. Il ne se réveilla que d'un œil pour envoyer promener Valérien sous les étoiles de Saint-Céry. Une boutique restait ouverte, celle d'un barbier cumulard, qui exerçait la médecine et la chirurgie. Valérien entra, s'assit, et présenta sa tête au bourreau pour saisir un prétexte de conversation. Le barbier prit la tête du voyageur et se mit en devoir de la décorer pour le bal champêtre de Saint-Céry. Voilà une fête qui arrive mal à propos pour moi, dit Valérien. Le village est plein de voyageurs. Il n'y a qu'un hôtel et je ne sais trop où passer la nuit. Ah, monsieur, fit le barbier en raclant les cheveux du patient avec le bois d'une brosse épilée par l'âge. Vous êtes tombé sur un mauvais jour. Si vous étiez venu hier, vous auriez eu 2 lits aux Deux Pigeons. Et que faire maintenant puisque je ne suis pas venu hier? Vous pouvez aller coucher au Castelet. Est-ce bien loin? Sur le sommet d'une montagne, à 3 petites lieues d'ici. Monsieur le maire vous recevra très bien. Merci de votre Castelet. C'est que je ne vois pas trop, monsieur, à moins que... Oh non, il ne faut pas y songer. Je ne vous donnerai jamais ce conseil. Quel conseil? Le conseil d'aller passer la nuit... Où? Ne parlons plus de cela, monsieur. Parlons-en, au contraire, mon cher Figaro. Eh bien, monsieur... « Voulez-vous passer la nuit aux 3 tours ?»« Pourquoi pas ? Il y a même 2 tours de trop, je me contenterai d'une. »« Je vous avertis que ce château a une très mauvaise réputation. »« Y a-t-il des lits ?»« Au moins 30. »« Il y a toujours quelque chose de trop dans ce château, et le propriétaire me recevra-t-il ?»« Ah, monsieur !» dit le barbier en baissant la voix. « Le propriétaire est mort. »« Depuis longtemps ?»« Depuis 20 ans, au moins. »« Et il n'a pas laissé d'héritier ?» Non, monsieur, le château appartient à la commune qui veut le vendre, mais on ne trouve pas d'acheteur. Le prix demandé est sans doute trop fort. Au contraire, monsieur, il est trop faible. Et on ne l'achète pas à cause du trop bon marché? Oui, monsieur. On attend que la commune le vende pour rien. Alors on trouvera beaucoup d'acheteurs. Je ne crois pas, monsieur. C'est un château maudit. Si on me le donnait, je ne le prendrais pas. « Maintenant, je commence à vous comprendre, mon cher barbier. Il y a des apparitions, des revenants, des fantômes. Il n'y a que cela, monsieur. C'est un sabbat infernal toutes les nuits, un tintamarre de damnés. On y entend des voix qui parlent comme des cloches et des danses qui font trembler la terre. Il n'y a que le diable qui pourrait acheter ce château pour en faire une succursale de l'enfer dans le département du Var. » C'est bien engageant ce que vous dites là, barbier. Il est bien difficile de résister à une pareille tentation. Ce château est-il bien éloigné? 10 minutes. Pourriez-vous m'indiquer le chemin? Comment? Dit le barbier effrayé. Vous avez une tentation du diable. J'ai grand sommeil, mais j'ai besoin de repos. Voilà ma seule tentation. Oh, si vous ne dormez que là, monsieur, vous aurez bien besoin d'un lit demain. Oui ou non, barbier, voulez-vous me mettre sur le chemin de ce château? Maître Olivier vous y mettra, mais pas moi. Où est ce maître Olivier? Je vais le faire venir. Attendez-moi un instant, c'est mon voisin. Nous sommes tous voisins dans un petit village de 100 maisons. Courez vite, j'ai besoin de dormir. » Maître Olivier ne se fit pas attendre. C'était un petit homme sec, avec des yeux gris, un nez très aigu, des joues plissées, un regard fauve et narquois. Il parlait un français équivoque et peu intelligible, mais sa pantomime, langue universelle, était claire comme la lumière du midi. « Vous désirez passer la nuit au château des Trois Tours ? » dit-il à Valérien. « Je vais vous accompagner jusqu'au portail, mais pas plus loin. » Le voyageur et le paysan prirent congé du barbier et descendirent le chemin creux qui mène à ce château funèbre où d'énormes chauves-souris ont établi leur domicile pour avertir les passants du danger, à ce que disent les gens de l'endroit, gens qui aiment l'étrange et le merveilleux, qui ne peuvent voir un vieux château sans y attacher une légende, et qui prétendaient qu'outre les revenants de l'intérieur du château, ils voyaient tous les jours, à la nuit tombante, à l'heure de l'Angélus, la jeune châtelaine de Saint-Céry dominant son castel des Trois Tours, et par conséquent le village, dont elle est la dame blanche, c'est-à-dire l'ancienne bienfaitrice et la protectrice. L'heure à laquelle l'imagination de ces braves gens croit apercevoir la dame blanche à son balcon aérien, lui a fait donner par les Saint-Céryens l'appellation de l'étoile du soir. Au portail, le paysan souhaita ironiquement une bonne nuit à Valérien et le laissa seul. L'intrépide voyageur suivit une allée sombre de cyprès et de buis et arriva bientôt sur l'esplanade où le château est bâti. Ce paysage est lugubre, surtout la nuit. Le vieux manoir a beaucoup de fenêtres sans vitres, des murailles lézardées, des portes qui se plaignent au vent sur leurs gonds. Les herbes sauvages croissent autour avec un luxe de végétation tumulaire. Le puits et les fontaines meurent d'hydrophobie. Le verger ne montre que des arbres stériles. Quelques pins, réunis en groupe, semblent s'associer pour exhaler des plaintes funèbres, en regardant du haut de leur cime les choses épouvantables qui se passent dans l'intérieur du château. Valérien était si mortellement atteint du besoin de dormir qu'il n'eut pas la force d'avoir peur, même s'il eût été poltron. Des deux battants de la grande porte du château, un seul était encore ferme sur ses gonds. L'autre avait disparu, ce qui facilitait beaucoup l'accès des salles basses. Valérien franchit le seuil, traversa un large vestibule plein d'échos, et se laissant conduire par un rayon d'étoiles, blanc comme la queue d'une robe de fée, il se trouva bientôt dans un salon et heurta du pied un meuble que sa main reconnut pour être un de ces larges divans jonchés de coussins qu'on trouve dans toutes les résidences champêtres du Midi. Il lui fut impossible d'aller plus loin ou de chercher quelque chose de mieux. Il s'assit d'abord, déposa ses pistolets à côté de lui, regarda par la fenêtre ouverte de funèbres saules qui pleuraient sur l'auge du puits et s'étendant, avec une volupté de voyageur, sur le vieil édredon du vaste sofa, il se souhaita le bonsoir et s'endormit. Quelques heures après, Valérien, quoique profondément plongé dans son sommeil, entendit comme dans un rêve un bruit effrayant composé d'une foule de bruits, mais que dominait un murmure sourd qui faisait trembler la terre, comme le glas aigu du tam-tam s'élève sur les mugissements d'un orchestre désolé. Le sommeil lutta longtemps contre le réveil, mais le fracas devint si formidable que les 7 dormants eux-mêmes auraient bondi sur leur chevet centenaire. Valérien ouvrit donc les yeux et se demanda ensuite, pendant quelques minutes, si son rêve horrible continuait. Ce n'était pas un rêve. Le château tremblait sur ses fondements. Des voix intermittentes alternaient des syllabes lamentables avec les échos de l'escalier. Un cri lugubre, pareil au vox ingens de Virgile, sortait par moments des entrailles du sol, comme la plainte d'un homme enterré vivant, et on entendait un tumulte de ferrailles sourdes, comme si le démon eût appelé au sabbat toutes les chiourmes de l'enfer. « Ceci devient trop sérieux, » pensa Valérien en secouant un léger frisson, après s'être assuré qu'il ne dormait plus. Le voyageur arma ses pistolets, se leva sans faire le moindre bruit, marcha d'un pas de fantôme vers la porte du salon et jeta un coup d'œil dans le vestibule. Il ne vit rien d'abord, mais ce qu'il entendait brisait ses oreilles et donnait l'épouvante au cœur. Le grand escalier épuisait tous ses échos à répéter ce fracas horrible, et aux pâles clartés des étoiles, tamisées par les crevasses des murs, on voyait flotter une fine poussière, soulevée sans doute par les pieds des danseurs infernaux comme a dit le grand poète. Et leurs pas, ébranlant les voûtes colossales, troublent les morts couchés sous le pavé des salles. Toujours immobile sur le seuil, et toujours regardant avec des yeux effarés, Valérien distingua enfin quelque chose d'informe et de confus qui s'agitait à une petite ouverture très haute pratiquée sur la muraille du vestibule. Deux parties se présentèrent alors à son esprit troublé. Le premier lui conseillait de rentrer dans le salon et de gagner les champs par la fenêtre basse où flottaient les saules pleureurs. Le second parti était plus dangereux et plus noble. C'est celui-là qui fut embrassé. Un homme vraiment brave craint même de rougir de lui en l'absence de tout témoin. Il examina donc, avec une attention minutieuse, le point lividement éclairé où s'agitait une chose mystérieuse, et au moment où une subite irradiation d'étoiles tomba et vint chasser les ombres, il aperçut distinctement, dans tout son relief, un bras couvert d'une manche de toile, dont la main s'agitait avec des convulsions perpétuelles. Valérien n'était qu'à 10 pas de cette main. Il aligna le canon d'un pistolet sur cette direction, posa le point de mire sur le bras infernal et fit feu. On entendit un cri perçant et un énorme et dernier fracas qui semblait provenir d'une cascade de ferrailles et de grappes de boulets d'airain. Le vestibule devint silencieux, comme si tout l'enfer eût émigré en masse devant un coup de pistolet. Cette brûlante expédition avait tout à fait éloigné le sommeil des paupières de Valérien. Il s'assit sur le sofa oriental, rechargea son arme, et résolut d'attendre le jour, les yeux ouverts, en cas de nouvel événement. La nuit s'écoula sans autre aventure. Aux premières lueurs de l'aube, Valérien examina les localités. Des gouttes de sang rougissaient la muraille sous la petite ouverture, et le plancher du vestibule était jonché d'un immense attirail métallique tombé sans doute du bras que la balle avait frappé. De réflexion en réflexion, Valérien arriva bientôt à une conjecture ingénieuse qui devait être une vérité. Il se rendit au village de Saint-Céry et ne fut nullement étonné en apprenant que le barbier avait été appelé comme médecin chez Maître Olivier, qui s'était blessé à la chasse. Indication prise du domicile de ce paysan, il se dirigea de ce côté. La petite propriété rurale de Maître Olivier était limitrophe de la terre du château des Trois Tours. Sans se faire annoncer, Valérien entra dans une salle basse en fumée, où se trouvait le barbier médecin et un homme assis sur une grande chaise de cuir, c'était Maître Olivier. Eh, bonjour, mes amis, dit Valérien d'un ton amical. Je viens vous remercier et vous faire mes adieux. Puis il passa au ton de l'intérêt compatissant et il dit : Qu'avez-vous, Maître Olivier ? Vous êtes bien pâle. Que vous est-il donc arrivé ? Le blessé balbutia quelques mots décousus, mais le barbier vint à son secours. C'est un accident fort commun chez les chasseurs, dit-il. Ce pauvre maître Olivier s'est blessé en chassant l'alouette à la pointe du jour, et je suis venu le panser. Ça ne sera rien. Vous appelez ce métier la chasse aux alouettes ? Dit le voyageur en riant avec ironie. Eh bien, maître Olivier, ne chassez plus ainsi, croyez-moi, mon conseil est bon. Ne jouez plus aux revenants au château des Trois Tours. Le blessé poussa un long soupir, étendant la main gauche par un geste suppliant. Monsieur, ne me perdez pas, je suis père de famille. Ils disent tous qu'ils sont pères de famille quand ils ont fait un mauvais coup, s'écria Valérien. Mais pourquoi vous amusez-vous donc comme un enfant à ces jeux dangereux ? Oh, ce n'est pas un enfantillage, dit le barbier. Voyons, dit Valérien. Je voudrais bien entendre la justification d'une pareille folie. Eh bien, vous allez l'entendre, monsieur, mais donnez-moi votre parole d'honneur que vous garderez ce secret seulement jusqu'à l'an prochain. Volontiers, je vous la donne. Alors, poursuit le barbier, je vous apprends que maître Olivier doit acquérir, à la dernière adjudication, la terre des Trois Tours, qui sera vendue pour rien, c'est-à-dire pour très peu de choses. Les deux propriétés sont voisines. Et vous voyez que c'est une excellente affaire pour maître Olivier, qui n'est pas riche, et qui veut agrandir un peu son bien sans faire tort et préjudice à personne, puisque les Trois Tours appartiennent à la commune et non pas à un chrétien. Vous comprenez tout maintenant ? Oui, dit Valérien, je comprends tout. C'est admirablement imaginé. Tant pis pour la commune et les imbéciles. Soignez-vous, maître Olivier. Devenez propriétaire, et je vous promets deux choses, de tenir ma parole, et de vous faire une visite, quand vous serez châtelain et que vous ne serez plus revenant. » Valérien serra la main du fantôme et sortit pour continuer son voyage pédestre dans le département du Var. Maître Olivier est enfin propriétaire du château des Trois Tours, qu'il a très mal payé. Par intervalles, il s'amuse encore, pour maintenir la mauvaise réputation du lieu, à ferrailler dans le vestibule. Il passe pour un esprit fort, et le conseil municipal de Saint-Céry lui a fait obtenir du ministre une médaille d'honneur. Ainsi s'achève le château des Trois Tours par Joseph Méry.